Les petites histoires de Tell Me. Encore des bêtises. C'est le soir chez la famille Hérisson. Leur maison se trouve en lisière de forêt. Sous un chêne vieux comme le monde, une porte en bois dévoile un long couloir qui s'enfonce doucement sous la terre. La nuit est tombée, c'est l'heure de manger. La soupe de limaces fait des petites bulles qui sentent bon la limace. Sur le mur du salon se trouve un joli portrait de la famille Hérisson. Papa Georges Hérisson, maman Lily Hérisson, Bulle Hérisson et petit Jean Hérisson, qui était encore tout bébé sur le portrait. Depuis, il a un peu grandi, mais pas trop quand même. Papa Hérisson met la table en dansant. Il fait à peu près toujours tout en dansant. En enlevant la poussière des meubles, en aidant aux devoirs, en lisant le journal, en mettant son pyjama et même en allant faire les courses. C'est très enthousiasmant et ça fait beaucoup rire maman Hérisson. Elle rit même quand il prend sa douche en faisant sa chorégraphie préférée et que toute la maison se remplit de mousse de savon. Maman rit encore, mais tout de même ajoute « Georges, fais bien attention au bol, tu vas finir par tout renverser. »« Mais non, ma Lily chérie, tu sais bien que je ne casse jamais rien !»« Pas comme certains, » répond-elle en soupirant. « D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils fabriquent tous les deux ?» Papa Hérisson, tout en dansouillant, appelle Bulle et Petit Jean pour dîner. « Bulle, Jean, à table !» Bulle descend en premier, en sifflotant l'air de rien, et Petit Jean la suit dans les escaliers, une chaussette plantée sur les piquants de sa petite tête. Oh, « ça sent bon! On mange quoi ?» demande Bulle en faisant ses yeux mignons. Maman Hérisson fronce un peu les sourcils. Ça se voit que d'un coup, elle est un peu fâchée, prête à gronder. « Oh, vous avez joué avec mon linge que je venais de plier !» Effectivement, Bulle et Petit Jean ont passé la fin d'après-midi à se fabriquer une forteresse avec des draps géants. Ils ont joué aux chevaliers qui se font attaquer par des dragons très forts. Ils ont enfilé des tas de bonnets pour faire des casques d'hiver, secoué des torchons pour faire des drapeaux très beaux et se sont jetés des chaussettes pour faire des boules de feu et gagner la bagarre. C'était génial. Bulle est bien attrapé. Petit Jean est tout épaté. Comment maman a-t-elle pu deviner ? Elle est super forte en bêtises. Alors Bulle demande « Mais, comment tu sais ?» Bulle n'a pas du tout fait attention à la chaussette accrochée sur son petit frère. Papa se penche doucement vers Bulle et lui murmure « Elle sait toujours tout !» Maman lève les yeux au ciel, sert à tout le monde un bon gros bol de soupe de limace et ajoute « Je sais surtout qu'en allant vous coucher, vous rangerez tout le panier de linge propre que vous avez dérangé. Non mais !» Une fois le dîner terminé, la table débarrassée, les dents brossées, Bulle et Petit Jean sont dans leur chambre et terminent de plier ce qu'ils ont dérangé. Bulle n'est pas très concentrée. Elle réfléchit en pliant le linge n'importe comment. Petit Jean, de son côté, essaye de refaire des paires de chaussettes, mais il trouve ça beaucoup plus difficile que de les défaire. D'un coup, Bulle ouvre grand les yeux et arrête tout net de plier quoi que ce soit. Elle attrape Petit Jean par les épaules et lui dit d'un air grave. Je crois que maman a vraiment des pouvoirs magiques. Alors là, Petit Jean n'en revient pas. Bulle dit souvent des bêtises, mais si elle avait raison. Tu crois ? Comme les fées ? Pourtant, ces verminouilles sont toujours trop cuites. Si elle avait des pouvoirs magiques, elle ferait de super verminouilles, pas trop cuites. Bulle se gratouille la tête parce qu'elle a vu des adultes se gratter la tête pour réfléchir mieux. Tu as raison. Elles sont toujours trop cuites, ces verminouilles. Mais alors, comment tu expliques qu'elles sachent toujours tout ? Par exemple, l'autre jour, elle a deviné que j'avais laissé mon sandwich au brocoli pendant 2 semaines au fond de mon sac d'école. Jean fait un peu la grimace parce qu'il se souvient très, très bien. Bah oui, elle a dû le laver 10 fois. Elle n'était pas contente. Bulle réfléchit encore un petit peu et ouvre de grands yeux. Petit Jean, maman devine toujours tout et fait des sandwichs au brocoli. Je crois que j'ai trouvé l'explication. Tu crois pas que c'est parce que ton sac sentait un peu le prout ? Mais non, réfléchis, je crois que maman, c'est une sorcière. Alors là, Petit Jean trouve ça trop génial. Parce que ça veut dire qu'il sera sorcier quand il sera grand, qu'il pourra faire des blagues avec des araignées et fabriquer des potions qui font sentir mauvais sous les pieds. Super contents de leur travail de détective, ils vont se coucher. Le lendemain matin, c'est bientôt l'heure d'aller à l'école. Mais au lieu de se préparer, Bulle et Petit-Jean examinent attentivement le balai qui traîne dans la cuisine. Petit-Jean parle tout bas à Bulle. « Tu crois que c'est son balai magique et qu'il peut voler ? C'est sûr, c'est certain. Quand on va s'en aller, elle va grimper dessus et aller retrouver ses amies sorcières pour faire des potions et dresser des gros chats. » Maman Hérisson les trouve bien étranges ce matin. Papa Hérisson danse en jonglant avec ses croissants aux escargots. « Dépêchez-vous, ça va être l'heure de partir à l'école !» Bulle et Petit-Jean attrapent leur cartable et leur bonnet, au cas où ils croiseraient des dragons d'hiver. Mais avant de partir, Petit-Jean doit savoir. « Papa ? Maman ? Est-ce que c'est embêtant que maman soit une sorcière ? Est-ce que c'est pour nous transformer en crapauds un jour ?» Petit-Jean guette la réponse de ses parents avec beaucoup, beaucoup d'attention. Papa répond avec un air très sérieux. C'est vrai que maman rate beaucoup ses verminouilles, mais quand même, ce n'est pas une raison pour la traiter de sorcière, voyons, enfin, allons! Et oh, qu'est-ce qu'elles ont, mes verminouilles? Petit-Jean et Bulle répondent en même temps, en mélangeant leurs phrases. Mais on a tout découvert hier, parce que tu sais toujours quand on fait des bêtises. Et tu fais cuire des tas de brocolis, que tu mets dans des sandwichs, avec ton balai qui vole. Papa et maman Hérisson éclatent de rire en même temps. Papa n'arrive même plus à danser tellement il rit fort. « Vous êtes mignon, mais maman n'est pas du tout une sorcière. Elle devine tout parce que vous êtes super nul en bêtises. » Alors là, Bulle et Petit-Jean sont un peu vexés, mais papa explique. « Hier soir, quand vous êtes descendu, Petit-Jean avait une chaussette jaune en plein sur la tête. Ce n'est pas très discret, vous en conviendrez. Et tout ça, c'est à cause de vos piquants, tout s'accroche dedans. » Papa a continué ses explications. Il leur a rappelé la fois où ils se sont roulés par terre pour jouer aux grosses chenilles, et qu'ils avaient des feuilles d'arbres plein la tête, et la fois où ils ont joué dans le bain avec tous les shampoings et qu'ils avaient de la mousse de toutes les couleurs jusque dans les oreilles, et aussi la fois où ils avaient rempli des ballons d'eau pour faire une bataille qui mouille et qu'ils avaient tous les deux des bouts de baudruche partout. « Mais rassurez-vous !» a ajouté papa. « Quand j'étais petit, je n'étais pas très doué en bêtises non plus. Je me souviens du jour où j'ai joué avec les pelotes de laine du tricot de mamie. Il m'a fallu des heures pour tout démêler. Vous comprenez ?» Bulle et Petit-Jean sont épatés par leurs parents. Ils sont drôlement intelligents. Même s'ils ont encore un peu de mal à croire qu'il n'y a pas un tout petit peu de sorcellerie dans tout ça. Maman Hérisson les regarde en soupirant doucement. « En plus, j'aurais préféré être une magicienne !» Elles ont des drôles de têtes, les sorcières. Bulle et Petit-Jean, le nez baissé, disent. Oh, pardon, maman. Tu sais, on trouvait ça super que tu sois une sorcière. Allez, zou, zou, dit papa. Maintenant que le mystère mystérieux est levé, il est temps de s'en aller. Vous allez finir par être en retard à l'école. Il faut qu'on se mette en route. Maman fait un bisou sur les deux petits fronts et leur souhaite à tous une bonne journée. Sur le chemin, Bulle et Petit-Jean regardent leurs chaussures en marchant mollement devant papa. Ils ont peur de voir vexer leur maman pour de vrai. « Mes petits hérissons mignons, ne faites pas cette tête. Ce soir, tout sera oublié. » C'est le soir de la même journée, et quand arrive l'heure de dîner, papa et maman hérissons appellent Bulle et Petit-Jean pour manger. Ils descendent les escaliers en trombe, ils ont des tas de petits bouts de papier plantés partout sur la tête. « Oh non, vous exagérez, encore des bêtises !» Vous avez joué avec les papiers de mon bureau et vous avez utilisé mon beau papier à lettres. Oh, je regrette presque de ne pas être une sorcière. Vous feriez moins de bêtises une fois changée en crapaud rose. Papa retire les bouts de papier, les déplie et les tend en faisant un clin d'œil à maman. Regarde, Lily. Maman Hérisson les prend et commence à lire les mots écrits dessus. Au début, elle a encore l'air fâchée. Mais petit papier après petit papier, son sourire devient de plus en plus grand. Car sur chaque bout de papier, Bulle et Petit-Jean se sont bien appliqués à écrire des mots d'amour avec des petits cœurs autour. Tu es la meilleure des mamans. Tes bisous sentent bon. C'est toi qui fais le mieux les verminouilles trop cuites. On t'aime tous les jours encore plus fort. Je promets de ne plus cacher mes brocolis. Et surtout, pour nous, tu es magique comme une fée. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Sibylle et racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas